Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et cette semaine, encore une fois, je suis rejoint par mon collègue et mon ami, celui qui se promène en McLaren de temps en temps et qui fait son big shot, Marc Bouchard. Salut Marc! Dis celui qui se promène en GTA et qui met des photos et des vidéos partout. Ouais, mais c'est rare, j'ai ce genre de voiture-là, moi. Fait que penses-tu que j'en profite pas et j'essaie de montrer au constructeur, gars, c'était pas une erreur de me la prêter? Oui, c'est toujours une erreur de te la prêter, mais c'est parce que moi, je t'ai vu conduire. Ouais, mais moi, je l'ai pas magané non plus. Je suis correct, là. J'ai tourné en un seul morceau, elle était en parfait état. Je l'ai même lavé dimanche matin pour aller prendre des photos puis faire une petite vidéo avec. C'est vraiment drôle parce que pour les gens si vous avez regardé sur Facebook, on a fait quelques petites vidéos vendredi passé, puis j'étais avec Marc. Bon, Marc avait la McLaren 720S, moi je partais avec la GTR, puis on était dans un stationnement, puis on s'entend que ça fait quelques semaines qu'il pleut pas vraiment pour vrai, au moins là, tu sais, au moins une semaine là, qu'on n'a pas de bonnes précipitations, rien. Donc, les routes sont moyennement propres. Il n'y a pas vraiment de flaque d'eau. La seconde que j'ai décollé du stationnement du centre d'achat, j'ai pogné une seule flaque d'eau. J'avais pas le choix de passer dedans parce qu'elle était là. Puis ça l'a vraiment salopé la voiture. C'était incroyable. Elle était toute attention, brune d'un attention, côté. Ouais. Attention. Ah, moi, j'ai roulé dans le même stationnement, mais j'ai pas eu de problème. Ben, en tout cas, t'as pas parti de la même place que moi, parce que moi, j'ai pogné. En tout cas, j'ai probablement que oui, j'ai piqué parce que à travers. Moi, comme j'ai vu la flaque d'eau, j'ai justement fait le tour. Ouais, c'est ça. Bon, OK. Passé par un autre chemin. Ouais. On appelle ça l'expérience. Peut-être que ce que je voulais aussi, c'est vraiment avoir l'expérience et la joie de la nettoyer, peut-être. Ah ben ça, tu n'es pas obligé de la salir pour ça, hein? Tu donnes l'ouvrage. Bon. En tout cas, je l'ai passé de fond en comble, je l'ai nettoyé, et puis après ça, j'ai été prendre mes photos, mais c'était ça. Fait que c'était un petit... Je me suis promené avec une GTR pas mal sale pour une bonne partie de la fin de semaine, par exemple. Pauvre petite bête. Ben oui. Pauvre petite bête. Ben, surtout la GTR, pas nécessairement moi. Si on revient là-dessus, par exemple, je voulais commencer l'émission avec ça, on va parler de... Bon, la semaine passée, c'est notre 100e. De cette semaine, c'est effectivement la 101e. Oui, t'es doué en maths, mon homme. Tellement, c'est ma force. C'est vraiment ma force. Comment s'est passé ton week-end en McLaren 720S? Ben, écoute, on va commencer par expliquer le fait que je pensais pas qu'il y avait tant de gens qui savaient où je restais. OK. Ouais. Écoute, sincèrement et sans blague, il y a des gens Google, qui... Google, peut-être, non? Non, même pas, même okay. pas. Okay. Les gens passaient devant la maison et venaient cogner pour prendre des photos de la voiture. OK. Littéralement, là. Il y a des gens qui sont arrivés et à un moment donné, on s'est arrêté sur le bord du chemin parce que j'étais avec mon épouse et on faisait de la vidéo. Alors, moi, je filmais. Bon, elle faisait les allers-retours. Et il y a un homme qui était... On passait devant sa maison. Il a commencé par nous regarder à travers de la fenêtre et il a fini sur le bord de la rue. Fait que j'ai fini par arrêter la voiture au côté de lui puis lui montrer, là, parce que je trouvais que c'était quasiment pas drôle, là. Puis le monsieur disait, écoutez, c'est la plus belle voiture que j'ai vue de ma vie, là. Il dit, je l'avais déjà vue dans les salons de l'auto, là, mais il dit, approche de même, j'aurais jamais pensé voir ça. Ouais, le design est vraiment incroyable, les lignes, les courbes qu'il y a là-dessus, tu sais, puis juste les... Tu sais, c'est fonctionnel, je veux dire, quand il y a une espèce de craque dans l'auto à quelque part, c'est pour faire passer l'air ou quelque chose, mais ça donne des lignes qui sont vraiment incroyables. C'est vraiment incroyable. Ouais. Et l'aileron arrière, bon, quand tu le mets en mode aéro, évidemment, l'aileron arrière est assez... imposant. Imposant, je dirais, là, tu sais, ça a vraiment l'air d'un... Elle traîne sa propre table avec Nick. Ah, c'est effrayant. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Un peu comme une WRX, là. Ouais. Puis, mais c'est vraiment beau, là. C'est magnifique et c'est un système absolument hyper sophistiqué. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Évidemment, c'est une auto qui est d'une puissance absolument phénoménale. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Vraiment, 0-100 en 2.9, là. Je ne sais pas si tu sais, là, mais c'est vite sur un solide temps. Je peux imaginer parce que la GTR, c'était pas lent. J'imagine plus vite, ça doit être quelque chose. Ouais. Sauf qu'à la différence de la GTA, qui est assez brutale, ouais. Elle n'est pas brutale. Elle fait ça tout en deux. Attends, là, je vais réitérer, faire attention à ce que je dis, là. Elle n'est pas brutale. Oui, elle l'est un peu, mais tu as une accélération beaucoup plus linéaire qu'avec la GTA. Tu as quelque chose de vraiment particulier. Et écoutez, je ne l'ai pas testé, mais c'est 0-200 en 7 secondes. C'est vite! Oui, non, c'est rapide, là. C'est assez incroyable. Écoute, ouais. En fait, j'ai pas vraiment trouvé de défaut à cette voiture-là d'un point de vue aérodynamique, elle est magnifique, elle est superbe, tu l'as dit, le design est super beau. Les portières s'ouvrent vers le haut, une espèce de porte en aile de mouette, là, puis ils vont chercher une partie du toit, ce qui donne un style particulier, mais qui permet surtout, et je m'en suis allègrement occupé, j'ai trouvé ça vraiment génial, c'est facile de rentrer et de sortir. Parce que comme tu n'es pas coincé dans le toit, ben tu as de l'espace, tu sais. Ouais. Tu peux glisser tes jambes et te mettre presque debout littéralement pour descendre, et ça, j'ai adoré ça. Le seul problème, c'est qu'il y a des gens qui ont peut-être un peu plus de misère, qui utilisent la portière pour être capable de sortir de l'auto, tu sais, se soulever un peu. On ne peut pas faire ça avec ça, par exemple. Non, non, vraiment pas. C'est clairement pas fait pour ça, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Si tu fais ça, tu vas la recevoir sur la tête, c'est tout ce qui va t'arriver. Ouais, t'auras plus besoin de descendre de l'auto. Non, c'est ça. Mais c'est vraiment... Donc, c'est honnêtement... Oui, écoute, c'est sûr que ça demande un certain effort, là, c'est clair, de se glisser à bord puis de revenir, mais n'empêche que c'est pas si difficile que ça, et j'avais pas l'air si fou que ça quand j'ai débarqué finalement. Yeah, c'est pas pire, c'est pas pire. Non, mais oui, c'est une très belle voiture, même l'intérieur est super beau. Là. L'intérieur était de couleur prune absolument magnifique. Ouais. L'extérieur aussi, les gens qui regardent les photos, là, à l'air noir ou à l'air bleu marine, là, mais vraiment, c'est comme un pourpre, c'est comme un mauve ou très, très foncé. Là. C'est pas, c'est... Ouais, ça s'appelle quartz, en fait. C'est ça. Je trouve ça vraiment cool. Mais honnêtement, elle est super belle. Ouais. Le gros bémol, puis en matière de conduite, évidemment, là, c'est comme tu conduis ça du bout des doigts, tu te bats pas, c'est la voiture, tu as presque l'impression que la voiture te conduit elle-même. Ouais. Le seul bémol, en fait, c'est que malgré le fait que tu as un mode confort, tu as un mode sport puis tu as un mode piste aussi, là, parce que c'est une voiture qui littéralement peut aller sur la piste n'importe quand. Là. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Bon, ouais. Tu sens absolument tous les obstacles sur la route. Ouais. Sensiblement comme la GTR. C'est pire, je te dirais. Okay, on va continuer les deux back-à-back. Là. Okay. C'est pire. Et en fait, c'est particulier parce que peu importe ce que tu fais, tu es toujours dans ce mode-là. Fait que je disais à la blague que tu sens les cheveux qui sont installés sur la route. Là. Ah, c'est presque ça. Hein? Là. Ouais. Oh non, c'est vraiment... Mais bon, évidemment, on s'y fait rapidement. Et c'est une auto qui a une sonorité qui est correcte, qui n'est pas abusive non plus. Tu peux la moduler, mais c'est pas une sonorité qui est abusive, mais vraiment juste le fun. C'est sûr que, bon, au centre, l'ergonomie, c'est un peu particulier. Là. Il y a une espèce d'écran qui ressemble à une tablette, qui n'est pas si simple que ça à manipuler. Mais honnêtement, j'ai quand même bien aimé la façon dont ça s'est déroulé. Mais bon. Mais 371 000 $ et des poussières dans mon cas. Ce qui est quand même pas si mal, je te dirais, pour une voiture de cette nature-là. Ben, c'est le prix d'une maison. Pas pire belle maison, dépendant où tu restes. À Montréal, pas nécessairement une grosse maison, mais en banlieue, c'est le prix d'une belle maison. Effectivement. Sauf que, si on s'entend pour dire que ça demeure une voiture, ta maison va prendre la valeur, ce qui n'est pas nécessairement le cas de ta voiture. Tu penses pas que ces voitures-là, dans plusieurs années, vont peut-être reprendre un peu de valeur vu la rareté? Parce qu'il n'y en a quand même pas des millions sur la route. Là. C'est pas comme acheter une Toyota Corolla. Là. Je sais pas jusqu'à quel point ça va vraiment prendre... De la valeur. Parce que certaines Ferrari, tu sais, qui reprennent de la valeur avec le temps, comme puis même les Lamborghini, tu sais, la Countach, puis la Testarossa, ont repris un peu de valeur dans les dernières années parce que les gens de ma génération qui peuvent se la payer, peuvent se la payer aujourd'hui. Tu sais. Ça sera pas nécessairement le cas d'une Gallardo, par exemple, chez Lamborghini. Tu comprends? Okay. Ouais. Fait que oui, certains modèles McLaren risquent de prendre de la valeur, d'autres peut-être un peu moins. Okay. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Remarque que c'est pas moi qui vais le savoir. Là. Mais c'est vraiment, écoute, c'est une auto spectaculaire, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment une auto spectaculaire. Ouais. Remarque que tu n'étais pas à pied non plus, là. Non, moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié mon week-end en GTR. Moi aussi, ça a été un peu bizarre parce que je me promenais, puis nous autres, c'est une petite municipalité, là. C'est pas un village, mais presque, là. Puis je me promenais dans une municipalité avoisinante, tu sais. Puis, à un moment donné, je passais sur une petite route, puis j'ai vu un jeune vite-vite sortir son téléphone pour filmer l'auto pendant qu'elle passait. Fait que là, j'ai été fin, j'ai reviré de côté un peu plus loin, puis j'ai repassé pour qu'il puisse prendre une photo, pour qu'il puisse la prendre un peu plus. Puis je voyais qu'il trippait, là, il m'avait fait un petit pouce en l'air et tout ça. Rencontrer du monde sur la route en revenant, le gars, il a lâché son volant pour me faire deux pouces en l'air. Vraiment, j'espérais qu'il n'y avait pas de courbe ou ce qui s'en venait. C'est une voiture qui est incroyable. C'est une voiture qui est, comme tu disais, c'est brutal. On n'achète pas ce type de voiture-là pour le confort de roulement ni pour le silence de roulement parce que vraiment, la seule chose que je trouve un peu décevant, puis peut-être tu vas peut-être avoir le même constat que moi pour la GTR, c'est que tu entends un peu trop les bruits de roulement et pas assez le moteur quand tu roules. Ouais, c'est vrai. J'aimerais en accélération, pas quand tu la mets au fond, parce que quand vraiment tu t'appuies au fond puis tu veux faire, mettons, un 0-100 en 3,3 secondes avec cette auto-là, tu vas l'entendre, tu vas entendre les turbos embarqués, tu vas entendre le bruit de moteur, puis ça sonne un peu comme une fusée, tu sais. Mais ouais. Quand tu roules, malheureusement, t'as pas cette espèce de... Tu sais, le son d'un V8 américain, là, t'as pas de son vraiment. Ce que t'entends, c'est vraiment le bruit des pneus sur la chaussée. Puis, tu sais, fait que ça va faire que t'es pas nécessairement porté à, tu sais, pas mettre de musique, mettons, pour écouter le son de ton moteur, parce que c'est une voiture exceptionnelle, tu vas mettre de la musique parce qu'il y a vraiment rien d'intéressant à entendre quand tu roules. Mais c'est vraiment la seule chose. Pour le reste... Le coffre de cette voiture-là est surprenamment grand, même que peut-être, moi, être un ingénieur chez Nissan, j'aurais mangé un peu du coffre pour laisser un petit peu d'espace en arrière pour les gens. Un petit peu plus d'espace pour les jambes, là, parce que vraiment, nous autres, on était capable d'aller, on est descendu à Mirabel avec le samedi. J'ai voulu aller la montrer à mes beaux-frères, mes soeurs, mon père, puis tout ça. Fait qu'on est descendu, puis... Ma femme, ça la dérange pas de s'asseoir. Elle est pas tellement, tu sais, elle est pas hyper grande, fait que ça la dérange pas d'approcher le siège. Puis que même si, tu sais, ses genoux sont comme à un pouce du tableau de bord ou du coffre à gants, ça la dérange pas. Fait que mon fils avait quand même de l'espace en arrière pour être confortable, tu sais. Mais tabarnouche. Mais tu sais, il est petit, mon gars, là. C'est un chou, là. Mais tu sais, comparativement à son père, tu sais. Mais. Le conducteur peut pas faire ça. Faut que tu sois installé à une manière, tu sais, pour conduire sécuritairement. Donc, tu sais, les poignets qui arrivent à égal au volant, puis faut que tes jambes soient à une certaine distance pour que tu sois confortable pour conduire pendant une heure et demie. Fait que tu peux pas nécessairement faire ce que le passager peut faire. Fait que la place en arrière du conducteur est condamnée, là, parce que réellement, là, il y a à peu près un pouce à un pouce et demi d'espace entre le dossier du siège avant puis le siège arrière, là. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. C'est ça. Fait que ça n'a pas été... C'est pas un design qui a été fait pour embarquer des gens en arrière. C'est un design qui a été fait pour que les Japonais qui l'achètent au Japon payent moins cher d'assurance parce que c'est un 4 places au lieu d'être un 2 places. Là, c'est clair. Mais pour le reste, c'est incroyable. J'ai amené mon beau-frère faire un tour. Mon beau-frère est mécanicien. Fait que je l'ai amené pour faire un tour à un moment donné. Puis on est allé faire un 0-100. Puis... T'sais, on arrive, puis on est dans une place, vraiment dans un village où tu arrives à la lumière rouge, puis l'autre côté de la lumière rouge, c'est 90 km/h. T'sais. Fait que je me suis dit, bon, 10 de plus, on est dans les limites tolérées. Fait que j'ai dit, moi, de faire un 0-100 ici. J'ai écrasé, puis à un moment donné, je lâche l'accélérateur. Il me regarde, il dit, on est-tu déjà rendu? Je dis, ouais, on est déjà rendu, c'est fini. Là. Ah, dis déjà? C'est 3,2-3,3 secondes, puis j'avais pas utilisé le launch control. Là. C'était c'est plus ardu si tu n'utilises pas le launch control. Parce qu'en utilisant le launch control, l'auto sait ce que tu veux faire. T'sais. Fait qu'elle prépare les turbos, elle est prête à décoller. Tandis que quand tu le fais. À part déjà à un régime moteur où elle utilise, si tu veux, le couple pour avoir le maximum. Là. C'est ça. Si tu le fais à froid, ben tu as le délai avant que les turbos embarquent puis que tu te mettes, tu puisses décoller. Mais c'est brutal pareil parce que quand les turbos embarquent, là, tiens le volant à deux mains puis accote-toi bien dans ton siège parce que si t'étais pas à côté, tu vas l'être. Là. C'est brutal, c'est vraiment magnifique. Les lignes de cette voiture-là aussi sont magnifiques, peu importe de comment tu la regardes. L'intérieur est super bien fini. Là, t'sais, on aurait pu être un peu cheap à l'intérieur puis couper, mais c'est vraiment t'sais, l'intérieur cuir. Il y a du cuir partout. Il n'y a pas vraiment de plastique vraiment dur. La finition est vraiment, vraiment incroyable. Je veux dire, c'est une voiture d'exception. Puis elle est plus abordable que la tienne parce qu'elle est juste 150 000 $ quand même. Juste 150 000 Juste 150 000 $ Je niaisais ma femme quand j'étais arrivé dans l'entrée vendredi. J'ai dit, ta maison vient de prendre pas mal de valeur. Ça va valoir pas mal moins cher, mais que je reparte avec lundi matin. Quand tu stationnes ça dans ton entrée, puis ça vaut à peu près la moitié du prix de ta maison, là, c'est comme. Ouais, ben moi, un peu c'était plus un la peu ça moitié, même. aussi. C'était un peu ça aussi dans mon cas. Mais c'est sûr que tu sais, regarde, c'est des voitures de rêve, c'est des voitures qui sont le fun à essayer. Ouais. La GTR est un peu vieillissante, on s'entend, Ben là, c'est là, la à ce même que tu. voiture que depuis 2009. Ils l'ont. Ben, ils l'ont T'sais, modifié un peu. ouais, c'est ça. La mécanique a un petit peu plus de puissance. On a changé l'extérieur pour le moderniser. Là, mais t'sais, à la base, c'est la même voiture que quand elle est revenue en 2009 là, avec ce modèle-là. Exactement. Exactement. Fait que, Mais t'sais, c'est ouais. sûr qu'elle serait due pour être un peu raffinée, pour être un peu améliorée, mais c'est quand même toute une voiture. Moi, j'avais eu l'occasion d'essayer cette auto-là, notamment en version Nismo et la version standard, sur une piste. Puis je peux te dire que tu t'attaches comme il faut parce que ça brasse en tableau, mais c'est t'es capable de pousser vraiment loin, nous. Non, oui, c'est une voiture qui est capable d'en prendre, là, mais c'est ça. Puis c'est de valeur parce qu'autant la GTR que la McLaren, c'est des voitures qu'on ne peut pas utiliser à leur potentiel sur nos routes. Un, parce que les routes sont pas belles, puis deux, parce que c'est 0 à 100 en 2 points quelques secondes ou 3 points quelques secondes, là, mais c'est 0 à plus de permis en pas bien ben plus longtemps. Là. Non, effectivement, c'est pas mal le même. Faut que tu fasses attention, puis c'est tellement facile de dépasser les limites de vitesse avec ces voitures-là, parce que tu roules, puis à un moment donné, tu regardes ton odomètre, tu dis hop, tu pensais que tu roulais 100, 105, puis t'es plus haut que ça, là. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses attention, c'est hyper facile, parce que tu le ressens pas, la vitesse, parce que c'est des voitures qui sont capables de rouler à, tu sais, 200 km/h et plus, là. Toi, Ah oui. probablement plus proche du 300 que même du 200, là, mais la GTR doit être limitée à 280, peut-être, j'imagine, 260, là. Je sais pas, en fait, Tu c'est des sais, limites. on ne l'amènera pas là, là, mais tu sais, mais c'est des voitures qui sont capables d'en donner beaucoup plus. Fait que c'est plate de ne pas pouvoir les rouler à leur potentiel. Quelqu'un qui Ben, reste c'est en pour ça. Allemagne, qui a l'autobahn, tu sais, je veux dire, il Mais en fait, c'est pour mesure, ça que la 720, c'est aussi une voiture de piste. là. Ouais. Et on a vraiment voulu la concevoir comme ça parce que les gens peuvent aller s'amuser sur des circuits routiers qui sont de plus en plus rares, faut le dire, là. Ouais. Ils peuvent aller s'amuser sans problème. Ouais, genre Tremblant, là. Tremblant serait un beau circuit pour ça, Tremblant, Icar, là. tu peux t'amuser pas mal partout, là, mais n'empêche que c'est des voitures assez exceptionnelles. Puis honnêtement, je suis très content d'avoir pu la conduire encore une fois. Non, moi aussi, très, très heureux. Puis même, il y a le beau-fils d'une dame qui travaillait avec ma femme, Trip GTR, puis il a jamais eu la chance d'en voir une de vraiment de proche. Fait que je l'ai invité à venir, il a pris des photos, je l'ai amené faire un tour, puis quand je l'ai lâché chez eux, il y avait un sourire accroché Ah, sur ben, le visage, c'était assez incroyable, là. ça aussi, ça fait partie des plaisirs quand on a la chance de tu sais, moi, j'ai une voisine qui tripe char, puis tu sais, elle, écoute, j'ai fait faire un tour de McLaren, puis elle capotait, là, tu sais, là, c'est comme. Ouais, c'est d'en faire profiter aux autres aussi un petit peu quand Voyons. on a la chance d'avoir ces voitures-là. C'est sûr qu'on peut pas dire OK, les auditeurs, envoyez-nous un courriel, on va arrêter chacun des personnes pour faire un tour de char. Ça se fait pas comme ça, là. Mais tu sais, dans quelqu'un qui est proche de chez vous, ça fait plaisir quand même de leur faire un tour, de leur montrer la voiture. C'est des voitures d'exception. C'est quand la prochaine fois qu'on va avoir la chance de conduire ça. T'sais. Toi, l'année prochaine, probablement. Mais ça va dépendre, c'est Mais tu comme. sais, on sait jamais, là. Donc, c'est bon. Donc, Marc, le bloc a été un peu long. On va prendre une petite pause, puis on va revenir avec nos essais de la semaine. Nous sommes de retour. Et Marc, tu vas nous parler d'une voiture, pas nécessairement d'exception, mais une voiture que personnellement, j'ai beaucoup appréciée quand je l'ai conduite l'année passée. C'est la Fiat 124 Spider Abarth. Oui, en fait, c'est un peu particulier parce que, bon, comme c'était la semaine où, en théorie, je devais avoir la GTA et que la McLaren n'était pas au programme. Je savais que la GTA, je l'avais juste pour 2 ou 3 jours. Donc, j'avais booké une deuxième voiture. OK. Et c'était la Fiat Abarth. Et à ma grande surprise, j'ai eu plus de questions sur la Fiat Spider Abarth que sur la GTA OK. quand elle était dans ma cour. Parce que elle se distingue par son look. Écoutez, on sait que les gens là, parlent beaucoup de la Fiata, là, Fiat, ouais, la Miata Fiat. C'est ça, exactement. Mais c'est pas exactement le même genre de voiture. C'est quand je parle, oui, c'est le même squelette, oui, c'est le même châssis, la même structure. L'intérieur est à s'y méprendre, à l'exception en fait des logos puis des cadrans rouges. Ouais. Pour le reste, c'est même le même la même base pour le système de divertissement, là. Oui, absolument. C'est le même système de divertissement. Le système de divertissement qui ne me fait pas triper tant que ça, d'ailleurs. Chez Mazda, j'ai un petit peu de misère avec leur système, moi. C'est bien, mais c'est Non, pas. c'est ça. Ça prendrait C'est un pas. petit peu de tuning, mettons, Ouais, un petit peu de rafraîchissement, là là. aussi. En tout cas, bref, tout ça pour dire que l'intérieur, ben, ça y ressemble à s'y méprendre. L'extérieur, ben, la voiture est un petit peu plus longue, un petit peu plus large, un petit peu plus basse sur les roues que la MX-5 originale. Et elle est dotée d'un moteur différent, elle est aussi dotée de suspensions différentes. C'est une voiture qui, en fait, même si elle partage la même structure, est assemblée à Turin. Donc, c'est une vraie italienne. C'est pas une japonaise qu'on a déguisée pour l'occasion, là. OK, mais ouais. Okay? Donc, c'est une vraie italienne. Et la mienne, elle était blanche avec le capot noir. Bon, oui, c'est un petit peu l'air d'une moufette à l'envers, mais. Ouais. Mais ça, puis le noir est un noir mat. Ouais. Alors, ça donnait vraiment quand même un style assez particulier et une allure très, très sportive à la voiture. Il faut Ouais. dire que c'était la Abarth. Mm Par définition, la Abarth a quand même des éléments aérodynamiques un petit peu différents que la version originale. Mécaniquement, c'est le même moteur, là, c'est le 1.4 multi-air. Dans ce cas-là, il y a 164 chevaux. Et on a modifié un petit peu les échappements. On a une sonorité qui est un peu différente, surtout que j'avais la boîte manuelle 6 vitesses, qui est intéressante, qui se manipule bien. Bon, j'ai un faible pour celle de Mazda, mais je vais probablement m'en rendre compte la semaine prochaine parce que c'est celle que je vais conduire. Okay. Mais quand même, elle se manipule bien et elle est bien étagée. Les changements de rapport se font très bien et ça te permet de profiter justement au maximum de cette sonorité-là. Ce qui, moi, m'a toujours impressionné avec ce genre de véhicule-là, c'est le plaisir de conduire. À basse vitesse, là, tu sais, t'es pas obligé de rouler en fou pour avoir du fun Vraiment avec ces pas. voitures-là. Vraiment pas. Ce sont des go-karts. C'est sûr que c'est des voitures de petite taille. T'sais, à l'intérieur, là, on s'entend pour dire que c'est pas super spacieux. Les portes-gobelets. Le gars qui a inventé les portes-gobelets dans ces chars-là mériterait de se faire couper de main. Ben, je pense que c'est un vendredi après-midi après un dîner bien arrosé à quelque part. Ouais, écoute, ça n'a aucun Là. Un sens. peu trop de saké ou d'autres choses, là. Parce que les portes-gobelets sont à la base logés entre les deux sièges, mais vers l'arrière, parce qu'il n'y a pas de coffre à gants non plus, hein, faut le préciser. Cherchez pas le coffre à gants, il n'y en a pas. C'est un coffret qui est logé entre les deux sièges à l'arrière aussi. Donc, il faut se dandiner, se tortiller pour y avoir accès. Idéalement, vous ne faites pas ça en roulant parce que vous allez vous péter la fiole. Oh. Et les portes-gobelets, quand on est deux, sont aussi là. Si cependant, vous décidez d'en avoir un à l'avant, vous pouvez le prendre et le mettre à la condition de ne pas avoir de passager, parce que votre passager va se péter le genou dessus régulièrement. Non, c'est ça. Donc, ça, ce n'est pas l'idéal. Mais, en fait, au-delà de tous ces détails d'ergonomie, ça demeure une voiture ultra agréable à conduire. C'est vrai que les suspensions. Elle remplit ce qu'elle a été créée pour, là. Totalement. Le restant, Totalement. c'est du C'est superficiel, là. l'accessoire-là. C'est vraiment de l'accessoire et elle est super agréable à conduire. Elle se dirige du bout des doigts. Elle est géniale au niveau des sensations de conduite. C'est vrai que j'aime un peu moins les suspensions Fiat, j'avoue. Je trouve que, je sais pas, ils donnent pas la même impression de sportivité que sur la MX-5, par exemple. Mais n'empêche que c'est qu'un véhicule qui est très, très, très intéressant, mais qui n'est quand même pas donné, hein. Non, ben la version à Bart surtout est un petit peu dispendieuse. Oui, elle est même pas mal dispendieuse, je te Ouais. dirais, là, Surtout parce que. pour ce que ça donne de plus, parce qu'on gagne, je pense, deux ou trois chevaux, là. Ça, c'est Oui, c'est juste ça. à cause de la En fait, restriction de l'échappement, là, c'est tout, là. c'est exactement ça. C'est que mécaniquement, on n'a absolument rien changé. Non. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié les échappements, ce qui permet, bon, justement, d'avoir Mais tu sais, c'est 37 000 piastres pour une Ouais, Abarth, là. ouais, Ce qui est quand même, pour un véhicule de, bon, 164 chevaux, 184 livres-pieds de couple quand même avec le petit moteur turbo, ouais. Ouais. c'est quand même intéressant. Bon, bonne consommation d'essence, évidemment. Donc, c'est un véhicule qui sert à ce à quoi il est conçu, c'est-à-dire qui est le fun à conduire. On adore la conduire vraiment. C'est une voiture qui est super le fun, qui est belle, qui est mignonne, qui est un beau jouet d'été, si vous avez les moyens de mettre 40 000 $ sur un jouet d'été. Ouais, c'est un peu ça. Quoi que j'ai vu des gens conduire la Miata ou la MX-5 l'hiver, ça se fait. Oui, C'est mais pas idéal, mais ça se fait, tu sais. Mazda a d'ailleurs fait Un programme d'hiver à un moment programmes donné, là. d'hiver avec la MX-5. T'sais, oui, ça se fait, mais ça demande une propulsion, ça demande, tu sais, là, c'est pas idéal, c'est pas fait pour ça. Puis Non. si c'est un toit mou. Par contre, mais ça, il faut reconnaître qu'ils ont le même toit chez Fiat que chez Mazda. Donc, un toit qui s'enlève d'une main, qui pèse absolument rien, qui prend 2 secondes à installer. Ça, c'est vraiment super bien pensé. C'est manuel, mais c'est super rapide, hein, ça se fait super bien. Non, honnêtement, j'aime beaucoup. Est-ce que je choisirais une Fiat par-dessus une Mazda? Écoute, ça, c'est vraiment plus une question de goût, une question de look, une question d'allure, parce qu'au niveau des conduites, elles ont chacun leur avantage. Donc, je pense que là, à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment une question très, très, très personnelle. Toi, mon cher, t'as fait dans l'utilitaire de luxe. Oui, j'ai fait dans l'utilitaire Lexus. J'étais au volant du Lexus NX 300. Bon véhicule, véhicule 300. Ça confortable. Hein? sonne méchant, là. Un 300? NX 300. Ouais, ben ça sonne méchant, mais c'est pas si méchant que ça, là. Il n'y a pas un gros moteur de fou là-dedans. C'est un 4 cylindres de 2 litres. Donc, c'est un moteur qui est, bon, standard, là, qui est le moteur utilisé un peu partout dans différents produits chez Toyota et chez Lexus. Ce véhicule qui avait la traction intégrale, transmission automatique 6 vitesses. Donc, tu sais, confortable, intérieur vraiment bien fini. J'ai encore un peu de misère. Je sais pas si je suis le seul avec la calandre Ah, moi, je trouve ça Lexus. beau. Sur le NX, je trouve ça magnifique parce que je Ouais. trouve que ça vient vraiment lui donner une allure là, Un peu plus tough, un peu un plus peu plus tough puis très moderne. Tu sais, ouais. j'aime ce côté moderne-là de la calandre en sablier qu'il appelle là. Ouais, ben c'est pas mal ça en la regardant là. Ça a l'air pas mal de ça. C'est sûr que c'est plus beau là-dessus que sur une voiture, parce que c'est un petit peu plus haut de terre et tout ça. Mais pour le reste, c'est un véhicule qui est vraiment magnifique. L'intérieur, la finition est vraiment super. Système de divertissement, on en avait parlé déjà, tu l'avais comparé, on avait parlé d'autres choses. Je pense qu'on avait parlé de chez Volvo. Tu m'avais dit, ah, mais tu sais, chez Lexus, puis j'avais pas encore essayé un système de divertissement Lexus. Là, je l'ai fait et c'est pas vraiment mieux que chez Volvo, là. L'espèce de système de souris, c'est vraiment pas facile à Ah utiliser, surtout si tu roules. Parce que la moindre pression va faire penser au système que c'est le choix que non. tu Ouais, as voulu faire, puis c'était pas vraiment ça. c'est pas Volvo avec lequel j'avais comparé, c'est sur le Mitsubishi Eclipse Cross. OK, Ils ont OK. mis un pavé tactile OK. sur lequel tu dois te glisser le doigt aussi, mais c'est la même chose. Aussitôt que tu bouges un peu en roulant, tu changes de poste 20 fois, tu sais. C'est ça, c'est pour les gens qui ne savent pas de quoi on parle, c'est à peu près, si vous avez un ordinateur portable, vous avez un pavé tactile au milieu. Bon, ben prenez ça, mais prenez ça avec le fait qu'il peut cliquer aussi quand vous pèsez dessus. Fait c'est comme si c'était une souris, comme un bouton de souris physique, plus un pavé tactile, tout dans le même morceau. Fait qu'aussitôt que tu pèses un peu fort, ben ça fait la sélection. Fait que si tu es en train d'essayer de faire un choix. Puis j'ai vraiment essayé de faire un choix à l'écran pendant que tu roules, puis tu pognes un nid de poule, ben tu viens de choisir quelque chose que tu voulais pas vraiment. C'est pas intuitif non plus parce que des fois tu as l'impression, ah, il me semble qu'il faudrait que je pèse pour aller à gauche, je pèse pour aller à droite. Mais non, si tu pèses, ça fait la sélection. Il faut juste que tu tasses avec ton doigt, puis c'est pas nécessairement, ça voyagera pas nécessairement à l'écran comme tu penses que ça va le faire en naviguant aussi avec la souris. Fait que ça prend un peu de temps là, pour le maîtriser. C'est pas nécessairement facile. Comme pour la première fois que j'ai voulu connecter mon téléphone Bluetooth avec le NX, là, il a fallu chercher un peu parce que je suis allé dans la section téléphone, c'était pas nécessairement là. Il a fallu que j'aille Non, faut ailleurs, être dans. Oui, dans Bluetooth, c'est. je pense, ou. Effectivement, peut-être dans les réglages, en fait. Tu sais, fait que normalement, tu vas au téléphone, tu te dis, ah, il n'y a pas de téléphone connecté, voulez-vous connecter un nouveau téléphone? Oui. Puis là, il t'amène au bon menu, mais lui, il faut vraiment que tu ailles dans les réglages, tu ailles dans téléphone ou Bluetooth. Puis là, tu te dis, OK, je veux connecter un nouveau téléphone. Puis. Fait que ça finit plus. Puis le problème qu'on a aussi avec les voitures de presse, c'est que tout le monde connecte leur téléphone. Puis souvent, tous les systèmes ont un maximum de 5 ou 6 téléphones. Fait que là, faut que tu trouves comment en enlever un pour pouvoir mettre le tien. Puis là, ben tu regardes, OK, qui j'élimine, lui? Quel journaliste m'a débarqué du char? Là, quand je vois Marc, ben je débarque Marc, tu sais. Mais sinon, je regarde voir, OK, c'est qui Merci. cette semaine? Non, mais c'est drôle parce que toi, souvent, quand t'as une voiture, je vois Marc puis je vois Linda. Parce Oui. que vous connectez tous les deux vos téléphones. Fait que Oui, c'est l'autre parce jour. qu'on écoute. Et souvent, tu vas voir William aussi. OK. Ben là, dernièrement, non. Mais une fois, j'ai vu toi puis j'ai vu Linda. Fait que je t'ai débarqué toi et j'ai laissé Linda. juste parce que. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est qu'en fait, on partage beaucoup. On écoute beaucoup de musique en streaming. OK, ouais, c'est ça, fait Fait que que, vous connectez votre téléphone on selon connecte ce que nos vous voulez écouter. téléphones. Exactement. OK. Exact. Mais c'est ça. Donc, côté système d'avertissement, c'est moyen. Ça aussi, c'est quelque chose que je retravaillerais peut-être, là. Parce que tu as un gros écran, mais il n'est pas tactile. Il faut absolument que tu utilises le pavé type souris, là. Puis, en tout cas, pour moi, c'est pas vraiment quelque chose de super bien. Pour le reste, c'est l'équipement, la totale, là, t'sais, siège en cuir, volant chauffant, siège chauffant, beaucoup d'espace à l'intérieur. Il y a une chose que j'ai pas compris, par exemple, il faut peut-être falloir que tu me l'expliques, à moins que tu l'aies pas remarqué. Quand tu vas dans la console centrale, tu as le levier de vitesse, là tu t'en vas, puis tu as ton accoudoir central que tu peux ouvrir pour mettre des choses dedans, puis tu as un petit morceau avec une petite languette que tu peux enlever. Et puis quand tu l'enlèves, ça te donne un espace caché dans la console centrale. Puis quand tu le revires de côté, tu as un miroir. Est-ce que tu as remarqué ça? Non. OK. Attends, répète-moi ça, là. Quand tu t'en vas, si tu vas chez Toyota, va juste voir le NX, ça, tu vas voir. Tu pars du haut, tu as ton levier de vitesse, et puis là, tu descends, puis là, tu as la console centrale. Tu sais, tu as les portes-gobelets, ces choses-là. Juste l'autre Oui. côté des portes-gobelets, tu as une espèce de. Normalement, tu as un morceau de cuir qui s'en va, puis qui est plein. Puis qui s'en va jusqu'à ton accoudoir central que tu peux ouvrir, puis là, pour serrer t'as de l'espace pour serrer des choses. Ben, juste avant l'accoudoir central, tu as un petit morceau de cuir qui, puis ça se détache. Ça a à peu près ça a la largeur de l'accoudoir, ça a peut-être un 4 pouces de long. Puis tu as une petite languette de plastique dessus, une petite languette de cuir qui peut se tirer. Puis au début, tu dis, bon, c'est juste pour le style. Puis quand tu tires dessus, ça s'enlève. Tu peux vraiment littéralement l'enlever puis le prendre dans tes mains. Ça te fait un trou dans la console centrale. Puis tu pourrais aller cacher des objets en dedans parce que c'est la console centrale. Mais quand tu le revires de côté, c'est un miroir. Fait que si madame ou monsieur veut se poudrer le nez, ben, t'as un miroir là-dessus. Puis je me suis vraiment demandé à quoi ça sert à part. L'amener avec toi à un moment donné à quelque part au restaurant parce que tu l'avais dans tes mains, l'oublier sur la table, puis plus jamais le revoir. C'est Ben, vraiment. écoute, sais-tu, j'ai jamais remarqué Ouais, ça. je jouais avec la console centrale, puis j'avais pris une photo. Pourtant, j'avais pris une photo. J'ai une photo que je vais t'envoyer, là. J'ai une photo de Parce que là, l'intérieur. je fouille. Au moment où on se parle, j'en profite pour regarder sur les photos du manufacturier, tu sais. OK. Mais si tu regardes au milieu, là. Tu as le pavé tactile pour le système de divertissement. Tu as une petite bosse. Puis après ça, tu as une petite ligne en chromé. Puis après ça, tu as une petite languette qui relève. Ce morceau-là s'enlève. Puis en dessous, c'est un miroir. Eh bien. J'ai tiré dessus, mais j'ai dit, ils ont mis une languette pour une raison X. Je tire là-dessus, puis ça me vient dans les mains. J'ai dit, j'espère que j'ai rien cassé. Puis je le reviens d'abord, puis il y a un miroir à l'autre côté. Je dis, à quoi ça sert quand tu as deux. Quand tu as des miroirs Non. dans les pare-soleils, pourquoi en avoir un là? J'ai Bizarre, bizarre. vraiment pas compris. T'sais, un ingénieur a pris le temps de designer ça. Faudrait qu'on m'explique à quoi ça sert. Pourquoi qu'on a fait ça? À part le fait que tu vas le sortir à un moment donné et tu vas l'oublier, là. Tu vas le C'est laisser au clair. restaurant ou dans. Puis tu le reverras jamais ton morceau. Mais C'est bien clair. ça m'a vraiment juste comme. Hein? Mais qu'est-ce? Mais pour le reste, l'intérieur est super, c'est super bien fini, des coutures blanches dans les sièges et tout ça. C'est un mix de cuir et tissu, là. Mais c'est vraiment bien. Confortable. On ne se fait pas brasser. C'est vraiment un véhicule qui est confortable. C'est le confort avant tout. La finition est belle. Mais système de Puis, ouais, il est quand même divertissement. dynamique aussi, Oui, là. il est amusant à conduire aussi. Ben, un petit moteur turbo, là, c'est super bien, là. C'est le prix peut-être qui accroche un peu. On parle d'un véhicule qui est de base 44 050 $. Et puis le modèle que j'avais avait 12 650 $ d'options pour un grand total de 58 871 $ et 25 sous. Ouais. Mais tu sais, des roues 18 pouces, puis tu sais, C'est vraiment, ça. là, c'est le summum, là, navigation et tout ça, là, c'est vraiment le summum du NX300, là. Mais c'est un beau véhicule, c'est un véhicule confortable. Franchement, j'ai bien, bien aimé. Un peu au-dessus de mon budget pour m'acheter un VUS personnellement, là, mais il y a des gens qui sont dans le marché pour ça, clairement, là. On en voit sur les routes et tout ça, là. Mais si vous êtes sur le marché pour ce type de véhicule-là, je pense que c'est un bon choix. Faites juste pas perdre votre petit miroir. Oui, OK, je viens de le voir, là. Excuse-moi, là, pendant que tu parlais, je faisais semblant de t'écouter. Puis, je continuais de fouiller sur les photos. Ben oui, je vois ça. Ouais. C'est mignon quand même. C'est un petit côté pratique. Oui. Là. Si tu veux te refaire une beauté au lieu d'abaisser ton rétro... Ouais, peut-être, mais en tout cas, je reviens juste pas sur le fait que si tu l'apportes avec toi pour une raison quelconque, tu sais, bonne chance tu si tu laisses traîner à quelque part. Toi. Non, non, tu devrais pas. Clairement, tu devrais pas. Mais il y a plein de choses qu'on devrait pas faire qu'on fait pareil. Mais bon. Bon, Marc, on va terminer là-dessus. On va faire une petite sur tes préoccupations de miroir. Moi. Ouais, mes préoccupations de miroir. Ben, je me refais pas une beauté parce que, tu sais, bon, tu m'as vu. Ouais, c'est parce que toi, c'est dans ton cas. C'est... En tout cas, ben, c'est une pause perdue. Là, mais j'ai dit, il y a quelqu'un sur Facebook, un auditeur français sur Facebook qui dit il est venu commenter nos vidéos qu'on a faites la semaine passée pour notre centième et tout ça. Puis il dit c'est bien de mettre des visages sur votre voix. Ça fait des années que je vous écoute et tout ça. Je dis oui, maintenant, tu comprends pourquoi on fait de la radio. Donc... Parle pour toi, je te signale. Bon, ouais, tout est beau, bonhomme. Non, moi, je fais de la télé aussi. Ouais, mais en tout cas, probablement beaucoup de travail d'édition. Marc, donc, même pas. Puis, et, juste pour information, nous n'avons même pas de maquilleuse. Alors, OK. On se calme. Peut-être un petit investissement que je ferais. Mais bon. je l'ai vu, ta maquilleuse, elle traîne la caméra puis tout aussi. Donc, Marc. On va faire une pause, ce que j'essaie de dire depuis à peu près 3 minutes, et puis on va revenir avec nos les nouvelles. Nous sommes de retour, et Marc, après avoir parlé de tout plein de belles voitures qu'on a conduites, on va parler de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde de l'automobile? Bien là, je vais vous parler de quelque chose dont je vous parle chaque année, puis je tiens à en parler, puis j'espère que vous m'écoutez. Ça s'appelle CartStart. CartStart, on en parle chaque année, c'est un événement, c'est pas un événement, c'est une série en fait de formations qui est parrainé par Toyota Canada et qui a été créé par Ross Bond. Ross, c'est un journaliste ontarien, pilote de course, animateur. Si vous écoutez Motoring à l'occasion, il fait des essais à l'intérieur de Motoring. Et lui, un jour, s'est aperçu que les jeunes, ce qu'on leur montrait comme cours de conduite, c'était comment lire un panneau de signalisation, puis comment faire un stop et comment ne pas conduire quand on est sur la brosse. Ouais. Ce qui est une excellente chose. Puis comment faire un stationnement parallèle, ce que tu fais presque jamais, mais le reste, l'important, c'est comme... C'est ça. Le sécurité. Alors lui, ce qu'il a décidé de faire avec l'aide de Toyota, c'est de créer un programme qui s'appelle CartStart, qui s'adresse aux jeunes de 10 à 15 ans. Ben, évidemment, si tu veux y aller, tu peux y aller. Il y a des gens comme ça qui apprennent jamais. Mais... Mais 3-4 fois, tu y vas, toi? C'est ça, moi, je suis porte-parole. Il y avait le choix. Il me nommait porte-parole ou il m'engageait. Fait qu'ils ont décidé de me nommer porte-parole. Non, ouais, mais sérieusement, et c'est parce que c'est moi qui réponds pour CartStart au Québec. La façon dont ça fonctionne, c'est que c'est un programme d'une demi-journée pour les jeunes de 10 à 15 ans. Ils sont sur une piste, ils sont dans un kart, mais ils ont aussi des formations théoriques. Les karts sont limités à 50 km/h et les jeunes sont toujours accompagnés de moniteurs de conduite. L'idée, c'est qu'on veut leur montrer c'est quoi la physique de la conduite, c'est okay. quoi la sécurité, comment on conduit. Puis je peux vous dire que 50 km/h, c'est bien assez vite pour apprendre tout ça. Et ils sont vraiment habillés, là. Ils arrivent là avec des sauts de course, des casques de course. On fait la totale. Cours théorique, il y a même un petit lunch qui est compris. Et c'est la 7e, 8e année que CartStart existe. Et c'est vraiment génial. J'ai assisté l'an passé, entre autres. Puis c'est vraiment cool parce que ça te permet justement, c'est pas on n'apprend pas à conduire, à devenir un pilote de course. On apprend à devenir un pilote. On apprend à maîtriser un véhicule, à comprendre c'est quoi le transfert de poids, c'est quoi une bonne trajectoire, comment on freine. Et ça, c'est génial. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, bon, c'est bon pour les jeunes de 10-15 ans, mais c'est aussi bon pour les parents. Donc, on demande aux parents de venir sur place. Et à la fin des deux heures et demie de formation, on embarque les parents et les enfants dans des véhicules Toyota sur place et on fait des démonstrations de systèmes de sécurité. Beaucoup de gens n'ont jamais expérimenté les ABS, n'ont jamais expérimenté les systèmes de stabilité électronique, le freinage automatisé. C'est tous des éléments qu'on retrouve dans nos voitures de tous les jours, mais qu'on a, pour la plupart, puis c'est une bonne chose, là, qu'on n'a jamais vraiment essayé. Or, on les fait essayer aux parents, donc les gens sont à l'intérieur et ils ont une idée de comment ça fonctionne et de quelles sont les limites de sécurité de leur véhicule. C'est vraiment cool, c'est vraiment le fun Et c'est un programme super intéressant qui fait une tournée nationale. Donc, ils ont déjà commencé. En fait, ils ont commencé en Colombie-Britannique. Ils sont actuellement, au moment où on se parle, en Saskatchewan. Ils sont allés en Alberta avant. Ils font le Manitoba. Après ça, l'Ontario, ils ont deux, trois spots, dont un à Ottawa, du 11 au 13 août. Par la suite, ils en ont un à Saint-Eustache, du 15 au 17, et à Trois-Rivières. En fait, c'est à Saint-Célestin, sur la rive sud de Trois-Rivières, chez SC Performance, du 20 au 22 août. Okay. Ce sont les seules dates disponibles. Je vous invite à aller sur le site kartstart.ca et vraiment, ça vaut la peine. Si vous avez des jeunes de cet âge-là, c'est vraiment une formation super intéressante pour eux autres et ils apprennent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis si vous allez là-dessus puis que vous allez dans... Quand vous arrivez pour payer, il y a un marqué code promotionnel. Si vous mettez marque en majuscule, vous allez avoir 20$ moins cher. Bon. Quand même, en théorie, le coût est de 79$, mais si vous mettez mon nom en majuscule, vous allez vous retrouver avec 59$. Donc, c'est quand même intéressant pour une demi-journée avec le lunch. Et honnêtement, je vous le dis, je l'ai fait. Et cette année, il y a une nouveauté. En plus, on a amené un kart adapté aux personnes handicapées. Ah, ça, c'est super, ça. Ross trouvait que c'était vraiment dommage parce que c'est arrivé à quelques reprises dans le passé qu'il a vu des jeunes handicapés qui auraient bien voulu participer, mais qui n'étaient pas capables parce qu'il n'y avait pas l'équipement pour le faire. D'ailleurs, c'est le cas aussi pour les jeunes qui ont en bas de 10 ans. On ne peut pas les accepter pour des raisons d'assurance. Ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, c'est parce qu'on ne peut pas pour des raisons d'assurance. Mais avec le kart adapté, vraiment, on est capable d'aller chercher des gens. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Alors, kartstart.ca, si vous avez besoin de plus d'informations, faites-moi signe. Écrivez-moi par courriel, on vous donne toutes les adresses à la fin de l'émission, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment un programme auquel je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le nombre de places est limité, évidemment, donc vous choisissez l'avant-midi ou l'après-midi, mais ça vaut la peine. Et si tout va bien, ça se peut qu'on fasse tirer un forfait. Là, j'essaie de négocier avec eux autres pour avoir un forfait qu'on ferait tirer parmi nos auditeurs, mais vraiment, ça vaut la peine. Ouais, c'est bien. C'est une bonne idée. C'est bien d'y commencer jeune aussi, tu sais. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent à des jeux comme, tu sais, Gran Turismo ou Forza, des choses comme ça, puis ils pensent que c'est ça la conduite. Là. C'est ça. Exactement, mais c'est pas ça du tout. Là. C'est vraiment... Puis ce qui est intéressant de Kartstart, c'est on vous amène vraiment... Oui, c'est sur une piste, mais tu sais, il pleut, il fait soleil, ça a lieu pareil. Tu sais, on vous montre comment conduire de façon sécuritaire, donc peu importe les conditions, vous êtes là. Donc, sérieusement, allez-y, ça vaut la peine. Moi, j'adore ce programme-là et j'espère que... Je pense que vous serez tout aussi enthousiaste que moi à cet égard-là. C'est bon. Si on a un forfait à faire tirer, on en reparlera aussi un petit peu plus tard. Oui, bien sûr, c'est sûr. C'est au mois d'août, je vous le rappelle. Faire kartstart.ca, vous allez en faire une réservation. Vous avez là toutes les dates et vous cliquez, voir, parce qu'il y a des journées qui sont déjà pleines, là, mais vous verrez, ça existe. Super. Autre nouvelle, et celle-là, ben, ça va faire rugir bien du monde. L'Ontario a mis fin à son programme d'aide financière pour l'achat de véhicules électriques et d'infrastructures de recharge. Ouais, c'était zéro surprise, par exemple, parce que tout le monde savait que si Ford rentrait, que c'était fini. Oui, sauf que personne ne s'attendait à ce que ça arrive à cette vitesse-là. Ouais, mais ils ont fait comme les Américains. Les Américains, non, Trump ne peut pas gagner, mais Trump a gagné. Fait que c'est ça. Ils ont leur propre Donald Trump à cette heure en Ontario. Exactement. Mais là, c'était 14 000 $ d'aide financière, plus une aide financière à l'achat d'une borne. Actuellement, après le 10 septembre, on tombe à zéro. C'est-à-dire que, je dis après le 10 septembre, c'est pas vrai. Le 11 juillet est la date limite. Mais pour ne pas déstabiliser les concessionnaires, tout le matériel, toutes les voitures électriques qu'il y avait en stock sont encore admissibles à la condition qu'elles soient livrées avant le 11 septembre. Okay. Donc, il faut que jusqu'au 10 septembre, donc, que ça se fasse. Ça va créer une vraie panique. Je te signale qu'au Danemark, quand on a éliminé l'aide financière, ça a diminué de 80% les ventes de voitures électriques. Non. Écoute, on peut se demander jusqu'à quel point, par contre, on n'insuffle pas artificiellement une aide à un système qui, pour le moment, n'a pas l'air de plaire à personne, non? Ben, ou à très peu de gens. Mais je trouve que c'est assez radical. Je pense qu'il faut encourager quand même ces affaires-là. Alors, c'est assez impressionnant. Là, évidemment, tout le monde souhaite que le gouvernement fédéral embarque parce qu'actuellement, il n'y a pas d'aide financière fédérale. Ouais, ce qui est un peu bizarre. Là. Ce qui est un peu bizarre, mais en même temps, je peux comprendre que l'Alberta n'a pas tant envie que ça d'encourager les voitures électriques. T'sais, on demeure, c'est la totalité, donc c'est la responsabilité provinciale dans ce cas-là, c'est la façon dont c'est géré. Je ne dis pas que je suis d'accord ou pas. Là. Ouais. Peut-être juste que c'est ça la réalité. Mais c'est parce que le problème, c'est que le fédéral subventionne l'industrie pétrolière. Donc, il faudrait qu'il subventionne aussi la voiture électrique. T'sais, si Ouais, tu non, fais et les là, ça, deux ou c'est un tu fais rien débat. pantoute, là. Ça, c'est un débat dans lequel on pourrait en discuter longuement, là. Oui, c'est vrai, tu sais, puis, mais en tout cas, il y a beaucoup d'autres trucs, entre autres, qui sont des sociétés d'État qui font de l'électricité, tu sais. Non, c'est sûr. Fait Hydro-Québec, que, ça appartient au gouvernement. ouais, C'est c'est sûr. ça. Puis, en tout cas, bref, tu sais, tout ça, c'est un peu compliqué, là, je ne veux pas me lancer là-dedans. Simplement souligner qu'effectivement, c'est terminé maintenant du côté de l'Ontario. Ça n'existe plus. C'est assez spécial. En tout cas, Ben, ça va faire bref. plaisir à certaines personnes au Québec parce que quand on avait été au lancement de la Nissan Leaf, justement, l'Ontario prenait beaucoup des Leafs qui étaient en allocation pour le Canada, allait beaucoup en Ontario à cause que les gens en achetaient plus, à cause que le rabais était plus élevé et tout ça. Mais là, s'il n'y a plus de rabais, c'est les gens au Québec qui vont pouvoir avoir ces voitures-là. Ils vont être plus heureux. Oui, effectivement, là, Ça, mais. t'sais, le malheur des uns fait le bonheur des autres à un moment donné, C'est ça. Sauf que, tu sais, en tout cas, on verra ce que ça va donner. Là. Moi, je là. pense que on pourra pas. Ça ne peut pas durer si longtemps. On ne peut pas être une seule province à payer pour ça, c'est clair. Non, sûrement pas. Dans un autre ordre d'idée, mais uniquement pour te faire plaisir, comme tu sais actuellement, c'est le Festival of Speed à Goodwood, en Angleterre. Festival of Speed, c'est une espèce de réunion de voitures de toutes sortes, axées vers la vitesse notamment, vous aurez compris. Et on y a présenté entre autres la nouvelle McLaren 600LT. On a présenté toutes sortes de voitures de cette nature-là, dont une nouvelle Porsche Singer qui est absolument superbe. Et pourquoi je dis que c'est pour te faire plaisir? Ben, c'est qu'on mise beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la Ford Mustang. Et on avait entre autres présenté une Ford Mustang pour le Royal Air Force. Qui célèbre cette année son 100e anniversaire. Alors, on a fait une édition spéciale qui s'appelle la Eagle Squadron, qui est une voiture absolument magnifique et qui compte 700 chevaux sous le capot, V8, 5 litres évidemment. C'est un kit de performance de Ford Performance qui avait été dévoilé l'an passé. 0-100 en 4,3 secondes, un châssis adaptatif, suspension adaptative. Bref, c'est assez spécial. Alors, je t'informe immédiatement. Dès le 26 juillet, elle sera disponible pour une vente aux enchères aux États-Unis. Donc, si tu veux sortir tes sous, c'est le moment. Ouais, ça prépare ton argent. Non, je penserais pas que j'ai les moyens de me payer ce genre de voiture-là, qui va être probablement vendue au prix entre le prix de la GTR et le prix de ta McLaren. Ou peut-être même plus Probablement. que ta McLaren. Ouais, peut-être plus que ça. En tout C'est cas. des voitures qui sortent aux enchères à des prix Oh, c'est incroyables. fou, là. Parlant de Mustang, là, juste vite, vite, ceux qui ont Netflix, il y a un documentaire sur la création de la Mustang 50e anniversaire qui existe qui s'appelle A Faster Horse. Allez voir ça, c'est très intéressant. Je ne l'ai pas terminé, mais on est à l'arrière-plan là, avec les ingénieurs, puis les espèces de batailles qui se passent entre les finances et tout ça là, pour allouer de l'argent à des changements, là, des choses aussi niaiseuses que rallonger une vis de 1 mm. La vis, ça coûte comme un petit peu plus cher. C'est un débat parce qu'ils disent sur tant de voitures, ben, tu viens de dépenser un demi-million juste pour changer ce vis-là là, en Ouais. tant d'années. Ben, il y a beaucoup de. C'est beaucoup de design et tout ça, là. Allez voir ça si la Mustang vous intéresse. Ça s'appelle A Faster Horse. Fait que c'est ça. Okay. Mais toujours parlant de Mustang, toujours Goodwood d'ailleurs. Goodwood, la façon dont ça marche, c'est que c'est une espèce d'ascension. Hein. Faut que tu montes une côte là, qui fait 1,86 km. Eh bien, on aura donc une Mustang 1965 qui va être entièrement autonome, qui va faire le trajet cette année. C'est la firme Siemens et l'Université Cranfield qui la produisent. Tout est d'origine, tout est d'origine, sauf bien sûr l'ordinateur qu'on a branché à l'intérieur pour faire cette navigation-là. Donc, c'est une voiture que l'on va voir aussi à Goodwood au cours des prochaines heures parce que c'est actuellement que ça se déroule. Nous, on enregistre vendredi matin. Il y a pas Audi qui avait fait ça à Goodwood ou Oui. c'était une autre place qui avait fait ça? Je pense qu'ils l'ont fait ailleurs. Mais c'est pas à Pikes Peak, eux autres, qui Ah avaient ouais, fait c'est ça. Pikes Peak, eux autres. Une Audi TT autonome, je pense qu'il avait C'est monté. ça, C'était exactement, à Pikes Peak. intéressant. Mais là, on parle d'une voiture d'origine, Oh, 1965. oui, à part l'ordinateur qu'il y a dedans. C'est bien. Exactement. Toujours OK. chez Ford, je ne sais pas pourquoi je suis Ford cette semaine. La fusion, tu sais qu'elle disparaît? Et non, elle ne disparaît pas. En fait, la voiture disparaît, mais le nom va rester. Ça va être en fait une concurrente à la Outback. Ford va sortir une concurrente à la Outback basée sur la fusion. Même châssis, même motorisation, même mécanique, mais la structure va changer. On va avoir un véhicule qui va être plus haut sur pattes, plus grand, donc plus spacieux. On verra ce que ça va donner, bien entendu. Mais c'est ça qui va s'en venir avec la Ford Fusion. Pourquoi, et enfin, pourquoi? Moi, je me pose la question, pourquoi garder le nom? Parce que c'est populaire, parce que c'est connu, parce que les gens en veulent. Ouais, OK. Tout simplement. Okay. C'est pas plus compliqué que ça. Là. C'est plus facile de vendre un nom connu que de refaire une campagne avec quelque chose de nouveau. Là, ouais, j'imagine, mais tu sais, à ce que je. Peut-être, je sais pas, il me semble que Fusion, pour moi, c'est pas. Ça n'a pas le même panache qu'une Mustang ou qu'une voiture plus mythique. Là, non, c'est d'accord, un peu... mais pour certaines personnes, oui. Peut-être. Pour certaines personnes, c'est aussi important. OK, anyway. C'est bon. Et dernière petite nouvelle en terminant, je te le dis, il y en a quelques autres, là, mais celle-là, c'est parce que je pensais à toi, je me suis dit, c'est triste pour Luc, il ne pourra plus jamais s'acheter de voiture neuve, puisque la voiture la moins chère au monde, la Tata Nano, qui se vendait 2 500 $, n'existera plus. Bon, je suis désolé, Luc. Fallait que tu sois peut-être un petit peu un tata et un nono pour t'acheter ça. Non. C'était pas une voiture qui prenait en feu à gauche et à droite à un moment donné, ça? Ah ben en fait, c'est parce que c'est des voitures qui sont faites à 2 500 $, qui étaient vendues uniquement aux Indes. Ouais, ouais. Sauf que, tu sais, il faut voir quel est le salaire moyen aux Indes. Ah ouais, donc, c'est... Évidemment, mais on l'a quand même amélioré. Tu sais, il y avait en 2015, on a ajouté direction électrique, port USB, Bluetooth, plus gros réservoir de carburant, mais c'était pas suffisant, évidemment. Là. Ouais, bon, non, ces petites voitures-là, c'est. Quoi qu'il y ait un marché, il y a toujours un marché pour ça. Il y a peut-être encore un marché pour ça. C'est juste qu'ils ne doivent pas en vendre assez pour que ça soit profitable. Mais effectivement. Bon. OK, c'est bon. De toute façon, elle n'était pas disponible ici, donc, tu sais. Non, mais c'est. Au pire, je vais aller me chercher une Micra. Ouais, mais c'est quand même 5 fois le prix. En tout cas, ouais, quand même, mais c'est quand même voilà. Un peu mieux. J'ai pas entendu parler qu'il y avait une Micra qui prenait en feu. En tout cas. Non, donc... moi non plus, mais il y a des Tesla à 150 000. Des Ferrari aussi qui prennent en feu à un moment donné à tour de bras. Oh, oui, effectivement. Il y avait presque une histoire par semaine à un moment donné d'une voiture ou d'une Ferrari dont le moteur prenait en feu pour des raisons inexpliquées. Exactement. OK, c'est bon. Donc, bon. Marc, t'avais-tu d'autres choses ou... Non, moi, ça va être bien correct demain. Bon, si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, mon blog, marcbouchard.ca. Sinon, sur Facebook, je pense que c'est le meilleur endroit pour aller sur Facebook. Sur Instagram, Bouchard_Marc. Et le contraire, si vous allez sur Twitter, Marc_Bouchard. Et bien sûr, info@saroulradio.com, qui est l'adresse courriel où vous pouvez nous joindre. D'ailleurs, si vous avez des questions sur Cardstar, utilisez une de ces méthodes-là. Ça va me faire plaisir d'y répondre. C'est toi, mon cher, on te rejoint comment? Sur Twitter. À part par notre courriel commun. Ouais, ouais. À part par notre courriel commun. C'est ça. Sur Twitter, Rascalazormo. Sur Facebook, Luc Desormeau. Sur Instagram, Desormeau Luc. Vous pouvez nous télécharger l'émission sur Google Play ou sur iTunes, dépendant du produit que vous avez. Et puis, vous pouvez nous écouter sur Radio Média Plus et sportradio.ca aussi. On joue là quelques fois par semaine ou sinon le week-end, samedi et dimanche là, à sportradio.ca. Et puis, vous pouvez aller sur notre site qui est saroulradio.com si vous voulez télécharger les émissions directement là en MP3 sans avoir à passer à travers iTunes ou Google Play. Et puis, notre page Facebook, vous pouvez venir nous écrire sur la page de Ça Roule Radio. On répond normalement, soit envoyez-nous un message directement sur la page ou sinon en privé, puis on va normalement vous répondre dans un délai qui est correct. Là. En tout cas, Facebook a l'air d'être content de nous autres. Donc, c'est à peu près ça. Et puis, là-dessus, Marc, je te dis, passe un beau week-end aux auditeurs aussi. Et puis, on se reparle la semaine prochaine pour une autre émission de Ça Roule Radio. Ce sera la 102e. Hein? Tu comme je suis bon. Hey, t'es incroyable. T'es vraiment incroyable. Hey. Bon, ben, on se reparle. Bye.